RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Et bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylval. Bonsoir Monsieur Scream, bonsoir Slasher. Bonsoir, ça va? Slasher, bonsoir. Bonsoir, ça va? Voilà, il fait bon, hein. Oh. Ah, il fait bon. Hein. Oh oui, très. Alors très Rico, si tu nous écoutes, ben, on va t'offrir pour ton birthday, parce que c'était son birthday, hein, au nom de président. On va t'offrir une clim pour mettre dans le studio. Non, allez, il fait bon, ça va. Par contre, il faisait bon, mais ce matin, il a plu, hein. Bon, mais ça fait rien, ça fait du bien, ça peut rafraîchir nos idées. Nos idées. Alors, aujourd'hui, au programme de cette émission, ben, il n'y aura déjà pas de Sylval Song, ni de Slasher Song, ni de Sonata Song, et ni de balade. Pourquoi? Parce que c'est le REM Fest dans deux semaines. Trois semaines. Et Rive d'Enfer, il sera au grand complet. Eh oui. Eh oui. Donc, on va vous faire une spéciale REMS Fest Festival. Tout au long des deux heures d'émission, donc on va vous jouer deux morceaux de chaque groupe. Donc voilà, on va se faire plaisir, on va vous faire plaisir. On remercie aussi Phil et Roger Vézier de nous donner la confiance. Merci pour les accrèdes, merci pour les invitations. On va vous faire un bon live report et franchement, c'est que du bon. C'est que du bon, du bon, du bon. Alors, ça va déjà être notre quantième Ramfest. Ouh. Toi, ça fait pas mal de Ramfest. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Une fois sur deux, il a la flotte. Donc là, pendant une semaine et demie, je vais essayer de m'atteler à danser nu sur mon balcon pour implorer la danse du soleil. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais... Pour l'instant, ça marche, donc continue. Oui, voilà. Oui mais bon, après, les gens, j'ai fini à remontir, moi. J'ai les fous. Voilà. Donc, ben, sinon, ben, c'est pas tellement loin, le REM, ça, si vous vous posez des questions. C'est le château de la princesse d'Arambert. C'est au 59 590 à Reims. En France, c'est pas tellement loin de Valenciennes, si je ne me trompe. Hein. Oui, c'est ça, à côté de Valenciennes, Saint-Amand. Voilà, donc c'est où pas c'est loin. C'est la sortie REM. Voilà. Où il y a le parc de REM, où on peut balader, tout ça, quoi. Ouais. Un très bon site. Oui. Et moi, ce que j'appelle, c'est vraiment, et on se rejoint tout le temps quand on en parle, c'est un festival à taille humaine. Oui. Avec des gens humains. Voilà. Oui. Ils se la pètent pas, il y en a peut-être 2-3. Ah non, trois. C'est tout simple. Il y en a peut-être 2-3 qui ressortent toujours du lot, mais ça c'est toujours. Mais je veux dire, c'est vraiment humain, où il y a une bonne ambiance, une bonne convivialité et qualité musicale extra. Voilà. Ouais, puis il y a de tout hein, pour se restaurer. Il y a même un monsieur qui fait des superbes peintures. Oui. Hein, oui. Je t'ai déjà montré son stand. Oui, qui avait même le bassiste de Fruit Kitchen qui était à son stand aussi pour faire des petits dessins. Oui, voilà, si, c'est vrai. Il mérite de gagner sa vie aussi, ce monsieur. Oui. C'est sûr. Hein. On se démerde tous comme on peut. On va vous parler de tout ça durant l'émission. On va vous donner les tarifs aussi. C'est de 28, 39 et 45 euros. 28, 39, 45 et euros. Et pourquoi il y a plusieurs tarifs ben ça, on va en développer tout à l'heure. Parce que je sais bien qu'il y a un tarif... extra, le plus cher, vous avez droit à un t-shirt, un gobelet et le passe deux jours. C'est pas cher. C'est pas cher. Il faut savoir qu'il y a 18 groupes sur les deux jours. Le vendredi, c'est plus calme, il y a 4 groupes. On va commencer par le vendredi. Et on va s'écouter. Là, on va passer qu'un titre du groupe Spiritual Driver, un groupe français. On va s'écouter Brand New Star et on se retrouve tout de suite après. On continuera à parler de ça. Voilà. Voilà. We'll be right back. Maya. Voilà, bah c'était pas mal hein, quand même. Hein. Oui, si, c'est bien, oui, moi j'aime bien. Bien. Oui, moi aussi, j'aime bah, bien. C'est un peu du stoner, hein. Ça c'est Spiritual Driver, Brand New Star, c'est le titre qu'on vient de s'écouter juste à l'instant. Voilà, bah, c'est le premier groupe à jouer donc au Rems Fest. Alors, on va vous donner aussi les horaires, comme ça vous c'est savez vraiment ça, tout. Parce que bon, ça commence le vendredi, et vous allez dire, ouais, le vendredi, mais... Ouais, parce que quand on regarde l'affiche sur Internet, c'est écrit en tout petit. Sauf si tu vas sur le site, on peut l'avoir en grand. Si tu vas sur le site... alors, les portes ouvriront aux alentours de 17h, 17h15. Ouais, et le premier groupe donc qu'on vient vous faire écouter, hein, Spiritual Driver, jouera vers 18h. De 18h à 18h30, c'est le premier groupe à jouer. Donc, sur, il y a deux scènes sur, on va dire, la plus petite scène. Petite, c'est la scène, ouais, découverte. Mais c'est pas plus mal parce que ça m'a un peu les gens dans l'ambiance du festival, oui, au début. Et c'est vraiment bien. Alors, on vous parlait tout à l'heure des tarifs. Hein. Alors moi ici j'ai été chercher des tarifs, il y aura même un distributeur de billets, 10 toilettes, ben, on parle des toilettes parce que bon, il n'y a pas que nous les garçons, hein, les filles elles ont besoin de faire ça, non pas dans la nature, oui hein, les filles c'est comme ça, il y aura des groupes peut-être qui vont faire des dédicaces aussi. Bah oui, de toute façon ils se baladent dans la foule. Ouais, voilà. Donc, ça donc sert à rien de les harceler. Ça sert à rien de les harceler, voilà. No panique, no stress, pas problème. Voilà. Comme dirait. Il y a un petit camping, il y a des hôtels si vous le désirez. Et si vous êtes étudiant, il y a toujours donc des tarifs réduits pour les étudiants. Donc, voilà. Donc, 42€, c'est sur place. Si vous payez 42€, c'est sur place. D'accord. Sinon, ben, après, ben, on va regarder tous les tarifs, vous donner tout ça. Je rappelle juste l'adresse, c'est le château de la princesse d'Arambert, 59 590 590, à Reims, en France. Voilà. Donc, pour continuer cette nuit du vendredi, parce que là, on a fini journée, on arrive au REMS, à partir de 19h, Sam Wilcox Ben va se produire sur la scène de 19h à 19h45, donc un peu plus grand le set. Et là, franchement, c'est une petite claque. Je crois que tu vas regretter de ne pas être là ce vendredi, parce que bon, tu as des impératifs et on a droit à avoir des impératifs. Mais ça, c'est vraiment ta cam. Ça, c'est sûr et certain. C'est encore du français, hein, Sam Wilcox. C'est pas des genoux. Donc, ils reviennent. C'est du... On va dire du rock blues comme on les aime, ça joue très très très bien. Et là, on va vous passer une version live qui a été enregistrée au Splendid de Lille, justement chez nous, notre QG numéro 2 quand on n'est pas en studio radio. Et là, on va d'abord s'écouter donc un morceau de 1900 dans les années 80 de Sam Wilcox avec We're Out Tonight, et après on enchaînera directement, comme ça on va vous laisser le temps d'apprécier, comme si vous y étiez, pour vous donner l'eau à la bouche. Hein. Oui, et puis ça donne envie d'y aller, des fois on ne connaît pas toujours. Ouais. Ce que je vois, il y a beaucoup de gens quand même sur leur Facebook qui disent « connais pas ce groupe, connais pas, si, connais pas, là ». Et puis ben voilà, comme ça, ça permet d'écouter un peu et de dire « tiens, ça a l'air d'être sympa, on va y aller ». Ça, j'en suis sûr. Le premier, ça va peut-être un peu moins te parler, mais le deuxième de Sam Wilcox, c'est dire « waouh ». Wow, d'accord. La claque. On va s'écouter. Donc, le premier, ce sera We Are Tonight. Et puis après, le deuxième. Donc, c'est enregistré au Splendid à Lille. C'est parti. En avant pour la ZIC. Yeah. story that happened to me. It just came around my home, my age of three. Started to shiver right through my backbone. Felt the heat of the flame, I was burning. I felt so warm. Like a crack in my soul. I love the beat, just knocked me down. Voilà, donc ça c'est une version enregistrée au Splendid, hein. C'est Sam Wilcox Rock Band Live. Ça bouge, c'est bien. Pas mal du c'est tout, bien. Hein. Ouais. Ça fait penser, comme tu dis, à du ZZ Top. Voilà, c'est ouais. Excellent. Et ben eux, bouge. Donc retenez, vendredi, si même vous terminez de travailler à, on va dire à 18h, vous avez le temps, il ne faut pas rouler trop vite. Hein. Il faut oui, j'arrive à 19h. Ouais, il faut une demi-heure de route, plus ou moins, si ça roule bien, sans rouler trop vite. Pensez aussi à votre sécurité. Ah, et puis il y a les radars. Hein. Il y a les radars. Et pensez à votre sécurité. Vaut mieux arriver 10 minutes en retard que ne pas arriver du tout. Voilà. Donc, Sam Wilcox jouera donc sur la petite scène. Moi, j'appelle ça la petite scène, le vendredi 9, de 19h à 19h45. Et je crois qu'on va avoir notre dose de rock bluesy. Oui. Parce que c'est du bon et du très, très bon. Et j'aime bien aussi un peu son allure à Monsieur Wilcox, un peu avec le bonnet et tout ça. Ça me fait penser à quelqu'un qu'on a vu aussi au Splendid, mais avec un caractère de chien. Monsieur Michael Schenker. Mais bon, ah c'est oui, plutôt oui, du hard rock. Ouais. Voilà. Alors, après, arrive sur scène aux alentours de 20h15, c'est ça. À dire ça, oui, il peut avoir du retard. Il peut avoir exactement. Un petit peu. Généralement, il y a toujours un peu de retard, mais c'est pour. Voilà, c'est des petits. Aléa du direct, parce que c'est du direct et c'est pas du playback comme on a l'occasion de voir dans certaines fêtes, malheureusement, avec des Hollandais, Mirth of Joy, qui eux vont jouer de 20h15 à 21h30. Là, c'est un peu un autre style, un autre mélange hein, pour ces Hollandais. Je sais pas comment je pourrais classer leur musique, mais c'est quand même bien foutu. Ça va changer carrément de registre. Hein. C'est plutôt du rock psyché, on va dire ça comme ça. Du rock psychédélique, voilà. On va s'écouter deux titres. Psychédélique. Oui, du psychédélique. De toute façon, on est déjà psychédélisés dans la tête tous les lundis. Voilà. Donc, on va d'abord s'écouter deux titres de l'album Get Well, qui est le dernier album en date de Birds of Joyce. On va s'écouter d'abord Choose Side. Et après, ce sera Carabinaire, donc de ce groupe, qui eux joueront donc sur la petite scène. Donc je rappelle de 20h15, c'est ça ? Exactement. À 21h30. Voilà. Allez, c'est parti. Et après, on se retrouvera pour déjà la tête d'affiche de ce vendredi. Et pas n'importe laquelle. On les a vus il n'y a pas longtemps. On les a vus il n'y a pas longtemps. Et ils reviennent en plus. Au Rems, ils étaient là il y a 2 ans au Rems, si mes souvenirs sont bons, 2 ans. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est parti. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le Beers of Joyce qui joue de 20h15, c'est ça, à 21h30, si mes souvenirs sont bons. Je vais juste regarder pour la confirmation, hein, parce que je vous dis, c'est du direct, et alors on tourne avec les PC. Oui, c'est ça, donc de 20h45, pardon, à 21h30. Alors, juste avant de continuer, hein, juste avant de parler un petit peu de restauration, parce que je sais bien que vous avez, vous, ici, les collègues, vous avez pu goûter déjà la restauration. Juste pour à titre d'information, le tarif pour le samedi et le vendredi, donc du vendredi et le samedi, c'est 42 euros et dedans vous avez donc tout l'entrée. Pour le vendredi uniquement, c'est 19 euros. Et si vous désirez faire du camping, c'est 4,50 euros. Et là, vous dormez carrément sur la plaine du château de la belle princesse. Moi, je suis toujours à la recherche de la pantoufle de verre pour pouvoir lui passer et voir s'il y a mes chaussures à son pied, mais j'ai toujours pas trouvé depuis que j'y vais. Alors, tout à l'heure, on parlait justement donc pour le pack méga fan qui coûte 31 euros. Donc, vous ne faites pas la queue, vous avez droit à un t-shirt 2016 à retirer au stand de merchandising avec la présence du ticket, 20 euros de ticket boisson, repas, une affiche, un programme, un gobelet, un porte-gobelet, valeur du pack 36 euros. Voilà, donc il faut que vous ayez acheté un billet, bien entendu, et le pack ne comprend pas le billet d'entrée. Donc si vous achetez votre billet d'entrée des deux jours à 42 euros, si vous rajoutez 31 euros, vous avez droit au t-shirt Remfest, un porte-gobelet, un gobelet, à l'affiche et tout ça. Je crois que c'est vraiment c'est raisonnable. Un prix très très démocratique. Vu que franchement, le camping, c'est pas cher d'après ce que je vois dans les autres festivals, non ? Comme n'empêche. Oui, c'est pas la même chose non plus, mais... Ils sont beaux, les t-shirts. Oui, c'est... mais oui, c'est pas le même, là, ça, c'est pas le même, hein, par contre. Celui que je vois, c'est pas le même, mais c'est le logo du Remfest. C'est pas les mêmes qu'on a vus. On vous mettra des photos avec le gobelet de cette année et les deux t-shirts de l'édition, un peu format, un peu Jack Daniels, si on peut dire ça comme ça. Ah, bah, c'est celui-là. Oui, mais là, je crois pas que c'est celui-là. C'est tellement petit aussi que... Ah bah oui, bah c'est celui-là. Ah, ouais. C'est celui-là, ouais. Pour une fois, j'ai de l'avance. Voilà. On n'a pas tous les mêmes détails, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, à la place de 36 euros, c'est 31 euros, c'est pas mal, avec en sachant que vous avez droit à 20 euros de ticket boisson. Pour boisson et nourriture. En parlant de nourriture, maintenant, vous avez été, qu'est-ce qu'il y a déjà à manger, les amis? Alors, les spécialistes de la bouffe, on dirait. Vous n'allez pas me faire saliver. Je ne sais pas, moi. Dis, après, on continue. Pizza, crêpes. Elles sont super bonnes. Ouais, les crêpes aussi sont super bonnes. Les crêpes. Il y a un monsieur qui fait les crêpes lui-même. Elles sont super bonnes. Mmh. Et les frites, elles sont bonnes aussi. Vu que je me rappelle l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai été me chercher des frites, mais qu'avec des pièces de bronze, des pièces de 5 centimes. Ouais. Mais c'est... Et la bière. Et la bière. Elle est bonne. Ah, le coca, moi, je trouve qu'il est bon. Non, franchement, la bière, elle est bonne. Aussi. Il m'aurait dit la bière, je crois qu'il se serait fait tuer quand même. Hein, mais bon, non, mais toi, tu peux me le dire, il n'y a pas de problème. C'est super bon. Voilà. Donc, et c'est des prix démocratiques, on tient bien à le dire. Et là, attention, s'il pleut, il y a quand même de quoi s'abriter. Hein. Ouais. Un petit préau, comme on appelle ça comme dans les écoles, un genre de petit préau où on se met en dessous. Quoi. Voilà. Et bien, donc, c'est pas mal tout ça. Donc, vous êtes tous en train de baver, là, de vos frites, de vos gaufres. Encore 2 semaines à attendre, les amis, et puis vous y serez pour manger vos frites. Les gaufres, j'ai pas dit, hein. J'ai vu des crêpes, j'ai pas vu des gaufres. Ah bah, peut-être qu'il y aura des barbes à papa et des licornes en sucre, on sait pas. C'est jamais. Des pommes d'amour. Bah, t'en si vous croquer une à une gente dame. Ah, mais moi, non, c'est de trouver la chaussure. Voilà. Ah, voilà, justement. Et oui, ben bah, donc, de toute façon, à mon avis, on a toujours une petite faim, il faut dire la vérité. Bah, ça, quand même, ça creuse. Ça creuse, les interviews, courir à gauche, à droite. Bah, même sans interview, même pour les gens qui regardent, on a toujours un petit creux, plus ou moins, on boit un coup, tout ça, entre copains, copines, et après ça creuse quand même. Hein. Tout à fait. Alors, on continue. Bon, on va continuer. Le vendredi, alors là, c'est la tête d'affiche, ils sont venus il y a 2 ans. Eh oui. C'est des Zodiac. Zodiac. Ah, Zodiac. Groupe allemand. Que du bon. Ils vont jouer, eux, de 22h. 22h à 23h30. Voilà. Et c'est que du bonheur. Ah oui, et la guitare, ça vous fait du bien aux oreilles. Ça vous décrase bien les oreilles. Tout est placé, tout est placé, tout comme il faut. C'est vraiment génial. Voilà. Donc, Zodiac, on les retrouvera donc que pour du bonheur. On a eu l'occasion de les voir il y a pas tellement longtemps, oui. En première partie de tes amis. Sideburn. Il y avait Zodiac, Sideburn et Chakra. Ouais. Voilà. Et donc on va s'écouter nous deux titres de Zodiac. On va d'abord s'écouter Rock Button Blues et puis après Sonic Child. Et après on commencera tout doucement le samedi. Et oui. Le samedi, et ça va démarrer très fort le samedi. Ouais. Pour bien terminer du vendredi, pour un peu se reposer, reprendre la route, rentrer chez soi calmement. Et puis après le samedi, on démarrera sur des chapeaux de roue. Vous allez voir. Allez, Rock Button Blues et Sonic Child, donc des Zodiac. Et on se retrouve tout de suite après. Thank you. in for one more drop. Oh, hey, nobody's asking a dead man to stop. This life is so wrong, but still there's a song that is stuck in your dreams. This life is so bad, but that's what you get, 'cause nobody knows what it means. In this alley of fools, you've got to know how to choose. You've been playing the rock bottom. I will leave this world just for a little while. Eh oui, c'est de la bonne zik, hein, les Zodiacs quand même. Hein. Ouais, ah, si, oui, c'est oui, pas mal. C'est voilà. Vraiment très bien. Donc, aux alentours de 23h30, ils auront terminé. On pourra rentrer chez soi, faire dodo, décharger les photos, je tiens bien à préciser, les photos, et se reposer, car le lendemain, ben, on arrive déjà le samedi, hein, deuxième et journée. Oui, ouverture des portes midi. Voilà, midi, et le premier concert aura lieu à 13h. Je tiens aussi à dire... félicitations à Philippe quand même qui tient de main de maître ce festival depuis, c'est la 18e édition. Mmh. Hein. 18e édition, c'est pas, à mon avis, ça ne doit pas être tous les jours évident, tous les jours facile à penser. Qu'est-ce que je vais programmer, comment ça va se passer, et sincèrement, bien bas mon chapeau à toi Phil et toute l'équipe des bénévoles du staff du REMS Festival. Alors, donc, petite surprise, c'est des Strasbourgeois. Strasbourgeois. J'avais pas respiré juste avant de pouvoir parler, donc les Strasbourgeois. Donc c'est Iron Bastard. Voilà, c'est. Et là, ma grande découverte, c'est quand j'ai programmé ça, ben, je me suis dit, ben, j'aime pas te dire ça parce que je vais me faire des ennemis, hein, mais l'ennemi, il est pas mort. Ouais, c'est du Motorhead. C'est, tu vas voir. Ben, j'ai un de mes amis qui est fan de ça. Donc tu vois à peu près. Et c'est assez hallucinant. Quand tu vois le clip, non, parce que c'est pas du tout le look Lemmy. Mais sauf quand tu vois les clips, c'est tourné en France. Hein, mais je veux dire, c'est déjà un peu dans l'esprit Motorhead. Tu vois, et c'est Spade, des choses comme ça. Mais musicalement et le timbre de voix, en plus le chanteur, c'est un bassiste. Donc tu vois, c'est une chose en rejoint une autre, quoi. Donc, et eux, ils auront l'occasion d'ouvrir donc ce festival du samedi, hein, sur la petite scène, encore une fois. De 13h à 13h35, ça de 35 minutes, à mon avis, ça va quand même envoyer du lourd. Ouais, ça va être sympa. Ouais, on va s'écouter les deux titres. Donc, le premier, c'est I Am the Laser. Et après, ce sera Ponchoville. Donc, on espère qu'on nous va sortir aussi notre poncho. Ouais. Et notre sombrero, parce qu'on espère qu'il va avoir une canière. Ça m'irait bien, tiens. Ça m'irait bien, un sombrero. Ouais. Un Mexicain basané. Ouais. Non, mais après, je ne vais pas chanter comme est allongé sur le sable. Je ne vais pas m'allonger sur le sable. C'est une prairie. C'est ça qui est bien aussi. Tu pourrais chanter Sous le soleil de Mexico. Oui, mais je crois qu'après... Sous le soleil de Rennes. Je crois que je ferai venir la pluie. Ce n'est pas mon rôle. Je préfère qu'on profite tous du bon temps. Allez, Iron Bastard avec Iron Deliza et Pancho Villa. Et après, on se retrouvera pour le deuxième groupe du samedi. Thank you. Perón, ¿por qué no está trabalento? Has violado a mi hermana, hijo de puta. Y vas a morir. ¡Un, dos, tres, cuatro! Voilà, donc c'est les Iron Bastards qui vont jouer sur la main stage. Hein. Ouais, qui fait penser à Motorhead. Ouais, ça ouais. Dépote bien. Ouais, donc je rectificatif, ils vont jouer sur la main stage. Donc la grande scène. La grande scène. Donc ce que j'avais dit, réincarnation de Motorhead, Lemmy n'est pas mort. Hein. Enfin, même s'il est mort, Lemmy n'est pas mort dans le cœur de certains fans et de certains groupes qui jouent sa musique. Sa musique aura vraiment marqué, quoi. Oui. Donc voilà, et eux, donc je répète, ils jouent donc claque, je me retourne de 13h à 13h45, 35 pardon, main stage. Donc renaît ce groupe, hein, Iron Bastard, et là ce qu'on s'est écouté c'est I Am The Lizard, le premier titre, et Poncho Villa, le second. Alors juste avant de passer à la suite de la programmation musicale, sachez, on a parlé de restauration, on a parlé de, il y a du vin aussi, du bon vin rosé. Oui. On a oublié de le dire, ça. Du bon vin rosé, de la bière et aussi des boissons non alcoolisées pour les bobs, les gens qui ne conduisent pas. Oui. On a parlé de restauration. Si maintenant il vous viendrait l'envie d'acheter des CD, DVD, des patchs, des t-shirts. Voilà. Donc il y a tout ça. Ouais, donc il y a des merches quelconques aussi. Oui. Il y a des peintures, je rappelle, qui ne sont pas très chères. Mmh. Il y a une superbe peinture de Motorhead, de Lemmy. Ah oui, elle est sur ton mur, je crois. Non, elle n'est pas sur mon mur. Elle est pas sur ton mur ? Il me semblait qu'elle était sur une armoire ou quoi ? Ah non, elle est chez moi. Ah oui, ah non. Ouais, voilà. Je pense que c'était mon mur de Facebook. Oui, ça, c'est une peinture que ce monsieur m'a faite. Mais après, il y a des autres peintures. Par exemple, il y a une très grande peinture ACDC. Qui est magnifique. Mmh. Donc voilà. Vous la verrez, elle sera certainement installée. Je ça n'a pas été vendue. Non, elle n'est pas vendue. Elle n'est pas vendue. Mmh. Je crois pas qu'elle elle a est magnifique. Si, voilà. Si, elle la vend. Donc voilà, si bah, prenez un peu plus d'argent avec vous. Que là, il en faut quand même beaucoup. Que pour vous restaurer et que pour boire, hein, si vous l'achetez même, ne fût-ce qu'un CD. Ne fût-ce... Mais quand on parle de CD, il n'y a pas nécessairement, je prends l'exemple d'un Scorpion, d'un Rammstein, d'un AC/DC ou quoi. Il y a aussi des groupes comme là, par exemple, Iron Bastard, Sam Wilcox, ils vont peut-être avoir leur merch à vendre. Ah non, ils ont leur merch, ouais, ils ont tous. Donc s'ils ont des trucs à vendre, aider ces groupes-là à faire quelque chose aussi, parce qu'il y a peut-être des groupes qui n'ont pas de distributeurs. C'est les finances, c'est voilà. Ça, hein. Et ça les aide à pouvoir mettre de côté pour faire un album enregistré, et puis voilà. Donc, il y aura tout ça. Là, on va s'écouter maintenant le deuxième groupe, lui qui va jouer par contre sur la scène découverte. C'est le groupe Radical Sucker. Ils vont jouer de... Là, ça va s'enchaîner, parce que ça s'enchaîne très vite après de la scène, de la main stage. Il n'y a pas de problème, oui. Ça s'enchaîne très vite, on a le temps juste de faire le passage, mais bon, c'est pas tellement loin. Hein. Alors, eux, ils vont jouer de 13h35 à 14h05. Voilà, c'est bien ce que tu vois. Moi, j'ai dû me concentrer. Maintenant, voilà. Et donc, c'est pas mal, ça bouge bien aussi, c'est assez rythmé. Et là, par contre, c'est pas mal. On va s'écouter donc deux titres, Pigs Society et Funny Time, et on se retrouve tout de suite après. C'est d'accord ? Voilà. C'est parti. C'est parti mon kiki, on envoie la zik. Voilà, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous, Sylvain, le slasher et moi-même. Hein. Et oui, tout à fait, nous sommes toujours là. Pour l'émission Rive d'Enfer spéciale Rimfest. Donc, un petit rappel de l'adresse peut-être. Ouais, comme ça, si vous voulez y aller, donc, notez. Pour le Rimfest, château de la princesse d'Arenberg, 59 590. Rimes. France. Bah, oui, France. Voilà. Juste un petit truc informatif, c'est vraiment, quand vous êtes arrivé au château, il n'y a vraiment pas de soucis pour de stationnement. Non, il y a trouve, de la place. Il y a de la place, on trouve et facilement. Et un camping, hein. on rappelle quand même au cas où. Ouais, 4,50€ je crois le camping. Maintenant, bon, quand on parle... Il y a un numéro de téléphone aussi pour renseignement. Oui, vas-y. Alors, c'est le 03 21 14 94 21. Voilà. Eh mais une question, les 4,50€, c'est 4,50€ la nuit le ou festival les... à mon avis. À mon avis, c'est le festival, sinon ils auraient mis par nuit, par jour. Je pense. Par contre, on parle de pas de soucis pour le stationnement, mais avec les événements qu'on a connus ces derniers temps, il y aura peut-être un stationnement moins proche du site, peut-être, on ne sait pas. Mais sinon, même si c'est pas, il n'y a pas de masse à marcher, en plus, on marche en pleine nature, ça fait du bien oui, au tout près des chevaux. Voilà, ou tout près des babayes. Des babayes. Alors, le prochain groupe qui va se produire, là, ce sera sur la main stage. Oui. La c'est... grande scène, donc. Ouais, les Espagnolitos. Olé. Olé. Ils vont jouer à partir de 15h, de 14h05 à 14h50. Voilà. Le groupe, c'est The Electric Alley. Alley, si vous voulez. Et là, on va s'écouter. Et ça, c'est pas mal du tout. Franchement, le mec, il a un de ses timbres de voix. On en reste... Timbre de voix, on en reste baba. On va s'écouter donc Get Electrified et ce sera suivi de Can We Have Some Love Beats You US. Donc deux titres et comme ça va vous donner encore plus l'eau à la bouche d'aller les voir. Ça risque d'être vraiment ta cam aussi. D'accord. Sylvain. Bah, écoutez ça. Enfin, juste à présent, tout ce qui est au festival. Bah, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien tout. C'est beaucoup rock'n'roll. C'est un festival. Beaucoup hard rock. Pour nous, hein, ça. Ouais, je veux dire ça comme ça. Oui, c'est. Je dis que c'est un festival convivial, mais avec de. Des bons groupes. Des bons groupes, peu connus, mais qui daignent être connus. Ce que j'aime bien, c'est qu'après, balade dans la foule. Voilà. Bon, il y en avait c'est... un l'année dernière qui n'a pas baladé. C'était Gotthard. Si, parce que le slasher on a vu au bar. Pas tout le monde. Le batteur. Pas le chanteur. Ah, voilà. Mais, le batteur et mais le guitariste. Le batteur, le guitariste se sont promenés. Par contre, un qui ne s'est pas promené, je crois, c'était, mais l'année avant, c'était Adrian Vandenberg. Je crois qu'il n'était pas sorti oui. non plus. Et aussi le dernier groupe, le tout dernier qu'on n'a pas été voir. Qu'on n'a pas tout été voir. C'était il y a deux ans. Il y a deux ans. Allez, on va... Anathema. Ah oui. Ouais, bah bon, c'était Anathema. On va s'écouter Electric Alley, donc, avec Get Electric Feed et Can We Have Some Love Beats You US. On se retrouve tout de suite après. the edge. I couldn't say you were leaving no trace. You didn't care about the role you played. But I like to understand. Très bien, hein? Oui, oui, très bien. The Electric Ellie. Et voilà, donc à voir sur la main stage. Voilà, un bon programme hein, oui, oui, jusqu'à présent. Là, si, c'est vrai. C'est excellent pour le moment, jusqu'à là. Quand le slasher dit c'est excellent oui. Et même c'est musicalement il y a rien acheté jusqu'à présent là. Il y aura rien acheté même avec ce qui va suivre, je peux vous le garantir. Ça c'est sûr, j'en mets ma tête à couper. Ça c'est sûr et certain, pour ne pas dire autre chose. Le prochain qui va suivre, le prochain groupe qui va Ben oui, la main a coupé, ma tête a coupé. N'ayons pas l'esprit tordu, voyons. Nous n'avons jamais l'esprit pas tordu, voyons. Non, jamais. Drivers. Oui, et eux vont jouer sur la scène découverte, c'est ça? Eh oui, de 14h50 à 15h20. Voilà, et C'est précis, hein. Oui, on est très précis, voilà. Ah, s'il va aller les horaires. Et ça envoie du lourd. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir, j'en ai assez d'ici, et si d'ici... Allez voir Overdriver. Voilà, ouais. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un groupe français aussi. Hein, on va s'écouter deux titres. Rock Your Life et Rocking Hell. Et vous allez voir, franchement, ça envoie du lourd. Ça, c'est vraiment du AC/DC, quoi. C'est du très bon rock'n'roll. On peut dire que c'est du rock'n'roll australien. D'accord. Voilà, comme ça, bah, AC/DC australien. Hein. Voilà. Allez, c'est parti les loulous. Thank you. Ça envoie du lourd, hein. Ah oui, c'était les Overdrivers. Donc 14h50, 15h20 sur la petite scène. Voilà, et c'était Rockin' Hell, et c'est du bon, hein. J'avais dit, c'est du acide ici, ouais. À Rock Australia. C'est le même genre. Ouais, c'est très très bon. Alors après, on va arriver... On passe à la grande scène, 15h20, ouais. 16h10, The New Roses. The New Roses, groupe allemand. Donc yeah. Là, allemand, mais ils chantent bien entendu en anglais, on va s'écouter deux titres. Mm-hmm. Donc on rappelle juste les heures de passage. Donc 15h20, 16h10. Ouais. Donc on va s'écouter Partners in Crime et en deuxième titre Try, vous allez voir, c'est bien, c'est du très bon aussi. Ouais. Donc c'est The New Roses. Ouais. Voilà. I'll take Ben ça, je crois que ça va balancer. Hein. Je pense aussi. Oui, oui. Ouais, The New Rose, donc. Et on rappelle, donc, ils jouent sur la main stage. Ouais. Alors, main stage, c'est la grande scène. 15h20, 16h10. Voilà, donc franchement, à ne pas rater, c'est un groupe allemand. Donc, petite scène. Oui. Maintenant. Avec le groupe Drenalize. Oui, de 16h10 à 16h40. Voilà, c'est un groupe français encore une fois. Okay. Et on va s'écouter un titre seulement. Destination Everywhere. C'est pas mal du tout. Là aussi, tu vas me dire ce que tu en penses. On va franchement, le samedi, même le vendredi, hein, on va prendre notre panard. Ça va pas déménager. Possible. Voilà, donc ça, c'est le groupe Drenalize qui joue sur la scène découverte à partir donc de 16h10 jusqu'à 16h40. Voilà. Et après, je connais pas du tout. Tu connais pas, non, c'est pas tes chéris, pas hein tout. C'est pas tes chéris, hein. Non, je connais, moi, pas, je connais pas, franchement, je les ai jamais vus. J'aimerais bien les voir, n'empêche. Alors, c'est un groupe, on va dire. Anglais. Il y a quelques membres qui ne sont pas anglais aussi. Suédois. Donc, c'est le groupe. Inglorious, c'est, on a eu l'occasion de les voir au Lockersfesten, c'est exactement. Ça exactement. C'était pas pour chier, mais j'étais bien. Non, c'était vraiment bien et on se réjouit de les revoir. Ah, On va les revoir une paire de fois là en plus. Hein. Oui, voilà. Donc c'est Inglorious. Eux ils jouent à quelle heure et sur quelle scène? Alors 16h40, 17h30, la grande scène. La main stage pour Inglorious donc, qui ont déjà un gros passé. Les musicos ont déjà un gros passé derrière eux quand même. Hein. Alors on va s'écouter un titre extrait de l'album éponyme Inglorious. On va s'écouter Breakaway et on se retrouve tout de suite après. Là on s'excuse, on passe plus qu'un extrait de chaque groupe car ouais, leur tourne. Le temps, ouais. Et on essaye de passer tous les groupes qui jouent donc au Rhemfest. C'est parti. Ça, on sait très bien que ça va envoyer, hein, Inglorious. Ah oui, ça va déménager. Avec le titre, donc, Breakaway. Ah, Nathan James, c'est sa voix. Ouais, c'est sa voix. Une superbe voix. Et là, donc, c'est sur la main stage de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est Inglorious de 16h40 à 17h30, grande scène. Voilà, on vous rappelle, donc, c'est pour le Rhemfest, donc, château de d'Arenberg, d'Arenberg, la princesse. À Rhem. France. Voilà, la princesse d'Arenberg, château de la princesse d'Arenberg. Allez-y, franchement, c'est un festival humain, à taille humaine. Le prochain groupe qu'on va s'écouter, eux, ils jouent sur la. C'est un groupe Boutique français. Groupe français, oui. Scène découverte. De quelle heure à quelle heure? C'est Inepsis. Oui, Inepsis. 17h30, 18h. Voilà, on va s'écouter Mother Earth et on se retrouve tout de suite après pour continuer avec encore un grand groupe attendu après. Thank you. Voilà, comme Sylvain disait, hein, c'est plus calme. Oui, c'est du prog. C'est Inepsis. Là, c'était le titre Mother Earth. Et eux, ils jouent sur la scène découverte. Et ils jouent de quelle heure à quelle heure tac, tac, tac. Alors, 17h30, 18h. Voilà, le prochain, c'est des Anglais. On les retrouve sur la main stage. Sur la main stage de 18h à 19h. C'est ça. C'est Diamond Head. Pourquoi Diamond Head? Tout le monde se réjouit de les voir. Pourquoi? Parce que Diamond Head, ils ont. Tout. Allez, vas-y, dépêche-toi. Parce qu'ils ont, aidé à la formation de pratiquement tout le groupe du Big Four. Donc il y a même une chanson, quand le Big Four se réunit, ils font une chanson tous ensemble. J'ai même passé le titre, je ne me rappelle plus vraiment du titre. Non, c'est en réalité, Diamond Head a inspiré Metallica à reprendre la chanson I Am Evil. Et c'est quand ils se retrouvent tous ensemble, Anthrax, Slayer, Megadeth et Metallica, ils reprennent cette chanson I Am Evil. On va s'écouter tout de suite là. Et ils seront donc au Rem Festival. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc c'était Diamond Head avec I Am Evil. Grande scène, 18h-19h, on va accélérer là. Donc c'est Malmort après, c'est ça? Oui, c'est ça, en scène découverte. Petite scène, ouais. 19h-19h30. Voilà, groupe français aussi, voilà, ça chante en français. On va s'écouter le titre Japan Airline de Malmort, donc. Yeah. Voilà, donc ça c'est Malmort et on les retrouve eux donc. Petite scène, 19h-19h30. Après, on arrive à la grande scène. Oui. Mirat. Mirat. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, hein. Groupe franco-tunisien. Oui. Donc, grande scène, 19h30, 20h45. Un grand chapeau à eux. Voilà, on va s'écouter un titre Get You Freedom Back et on se retrouve tout de suite après pour continuer cette programmation spéciale REM Festival. Alors voilà, donc là c'est Mirat. Alors l'album s'appelle Legacy, hein. On espère qu'ils vont nous jouer pratiquement l'album entier. C'est Get Your Freedom Back, pas mal, hein. Oui. Groupe franco-tunisien qu'on retrouve donc sur la main stage de 19h30 à 20h45, c'est ça. Alors sur la scène petite découverte, scène, ouais. Pleasure Addiction. Voilà, 20h45, 21h15. Voilà, pas mal aussi. Ouais, groupe français, on va s'écouter Don't Let Me Down. Et on se retrouve tout de suite après pour les deux derniers titres qui seront tous les deux sur la main stage. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour Pleasure Addiction qui est sur la scène découverte. Alors, l'avant-dernier groupe qui est sur la main stage, c'est le groupe The Answer. Hein. Ils jouent de quelle heure à quelle heure ? 21h15, 22h30. Voilà, un groupe irlandais à voir si vous ne les avez jamais vus. On va s'écouter Whisplash, on va s'écouter un petit extrait, car après on va déborder un tout petit peu de quelques minutes seulement. Minutes. On s'excuse, les lecteurs des CD ont un peu chaud aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a eu deux petits soucis techniques. Allez, c'est parti, The Answer. Voilà, donc ça c'était l'avant-dernier groupe qui va se produire donc au Remfest. Et le dernier groupe, la tête d'affiche sur le sur la main stage, c'est Mother Fitness. Finest. Et franchement, c'est un groupe qui a quand même qui a connu les années de gloire dans les années 70, fin des années 70. Et c'est la tête d'affiche, c'est pas mal du tout. On va se quitter avec ça. Nous, Sylvain, on se retrouve dans deux semaines. Voilà. T'es en vacances, profite bien. Slasher, nous, tu seras là la semaine prochaine. Et oui. Voilà, allez, ciao les amis, sortez bien couverts. Nous, on se quitte avec Mother Fitness, qui est la tête d'affiche du Rem Festival. Merci à Phil et à tout le team du Rem Festival. Ciao les amis. Ciao. Ciao, ciao.